écrire une chanson qui n'a rien à dire. Il faut trouver un bon départ, sauter sur l'idée qui démarre, jeter celle qui mène quelque part, même si elle s'en va au hasard. Tout en se pressant le citron, cuire le néant à gros bouillon, puis le mener à combustion, sans franchir les pas de brouillon. Alors que je crois que je pense, tu vois, je danse, je danse, je danse avec la danse. Pour écrire une chanson qui n'a rien à dire, il faut se rendre à l'évidence. Les mots n'ont aucune importance, les paroles seront vides de sens. Le philosophe n'a pas sa chance si l'ouvrage devient laborieux, qu'il tende à se prendre au sérieux et que le fond paraît sablonneux. Tout est bon à jeter au feu. Mais vide, tout est vide là où mon cerveau réside. Alors que je crois que je pense, tu vois, je danse. Replier le papier, une fois que l'encre a bien séché, trouver un timbre à y coller, une adresse à qui l'envoyer. Ensuite, on se met à genoux pour la glisser dans un égout. Là, un rat au fond de son trou trouvera bien la rime à son. Alors que tu crois que je pense, tu vois, je danse.